C'est la chronique des Saguenay de Chicoutimi avec notre collaborateur Sébastien Morin. Salut Sébastien. Salut Denis. Sébastien, en fin de semaine, c'était deux autres matchs contre les. Une fin de semaine facile avec. C'était les Remparts de Québec en fin de semaine et les pauvres Wildcats de Moncton. Et ça a été une fin de semaine quand même. Deux fois, on a marqué six buts. Oui, exactement, mais ça aurait pu être piège, je dirais, ces deux matchs-là. Ouais. Les Remparts qui sont décimés par les blessures présentement, les Wildcats de Moncton qui se cherchent à plusieurs égards et à plusieurs positions dans l'alignement. N'eût été du gardien Dominique Tadé qui se prononce avec il y a un J qui se prononce pas dans son nom de famille, c'est un Tchèque, a très bien fait. Et aussi Evgeny Kyselev, le gardien de but des Remparts de Québec vendredi soir, a été brillant devant son filet. Oui, il a accordé 6 buts, mais n'eût été de sa performance, ça aurait pu être beaucoup plus que ça. Les Sags étaient partout sur la patinoire vendredi soir dernier. Plus de 50 lancés sur le gardien adverse. Ça fonctionnait bien du côté de l'attaque, ça fonctionnait bien physiquement, ça fonctionnait partout sur la patinoire pour les Sags. Du côté des Remparts, beaucoup de blessures. Le fils du coach Boucher, le défenseur Maheu, il manquait aussi un des deux, Bounitski, un des deux Européens de l'équipe. Tu peux pas aller bien loin quand c'est une équipe en reconstruction, quand il manque des joueurs aussi importants dans l'alignement. Puis bon, ça a été peut-être un peu plus facile pour les Sags vendredi soir, mais si on les avait pris à la légère, les Remparts auraient été capables de nous battre par leur travail qu'ils auraient fait pendant les 60 minutes, mais la meilleure équipe a gagné, puis c'est tant mieux comme ça. Samedi, c'était un peu plus difficile, un match beaucoup moins émotif. La veille, tu gagnes 6-0. Le mardi précédent, tu bats les Cataractes de Shawinigan qui vont remporter le championnat de la section Est dans la LHJMQ. Tu sais, tu arrives le lendemain, tu joues contre une équipe qui a une victoire en 25 matchs, qui a perdu 7-1 la veille à Bécomo. Tu te dis, bon, ben, ça va être une petite journée au bureau, ça va être facile, mais tu quittes au vestiaire avec une simple avance de 2-1. Et j'ai dit ça en fin de reportage en première période, une courte avance de 2-1. Puis c'était le cas, tu sais, contre les Wildcats. Bon, sans leur vouloir leur manquer de respect, c'est une équipe qui n'est pas en construction. Là. La compagnie a fait faillite, littéralement. Ouais. Écoute, il n'y a plus rien. Tu sais, Julien Tessier, je l'adore là, comme kid, comme tout ça, mais c'est le meilleur centre, c'est le meilleur attaquant des Wildcats de Moncton présentement. Puis je suis bien content pour lui qu'il ait une chance de se valoir sur un gros trio, ou en fait sur une première ligne. Je vois beaucoup de minutes d'action. Mais tu sais, il devrait pas être là. Il devrait jouer sur un deuxième, sur un troisième trio à la limite dans une équipe comme les Wildcats. Mais ils ont tellement plus de joueurs que ça devient une denrée nécessaire. Puis il a très bien fait. Hein? Il joue bien, Julien Tessier, avec les Wildcats. Il a retrouvé son aplomb. Puis ça, c'est le fun. C'est des belles petites histoires dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Des gars qui ont une deuxième puis une troisième chance puis qui en profitent. Mais dans le cas de Julien Tessier, c'est le cas. Puis bon, ben, la victoire de 6-2 samedi, c'est presque sans histoire ce match-là en troisième. Les Sags ont mis la pédale au plancher, puis les Wildcats ne touchaient tout simplement plus à la rondelle. Ça s'est terminé 6-2, mais ça aurait pu être avec un beaucoup plus gros écart si on avait mieux joué, je dirais, collectivement pendant les 60 minutes. Mais bon, c'est une victoire, c'est ça qui est important. Puis la semaine dernière, 3 victoires en 3 matchs, battu les Cataractes, battu les Remparts, battu les Wildcats. Il reste 2 semaines au calendrier régulier. Si on connaît des semaines presque parfaites, là, on va dire 2/3 des matchs d'ici la fin de la saison, mais on va être bien positionné pour les séries éliminatoires. Hey, parle-moi des Wildcats. Je reviens sur les Wildcats de Moncton. Apparemment que c'est pas plus fort qu'un club junior 3. Ah, écoute, j'ai pas vu beaucoup de matchs de junior 3 dans ma vie, mais j'avais dit ça du temps de Kids Batters, il y a 2 ans environ, ou l'année passée. Puis, écoute, c'est pire que ça, on dirait. Là. Ah oui, OK. C'est des petits joueurs. Il n'y a pas... C'est très, très, très difficile. J'ai de la misère à concevoir qu'on réussit à s'abaisser aussi loin que ça, je dirais, du côté des Wildcats pour reconstruire. T'sais, ça va être le fun dans les prochaines années. Dans 2, dans 3 ans, on va avoir beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs qui vont monter. Je pense que quoi, il y a 12 ou 13 joueurs de 17 ans dans cet alignement-là présentement. Quelques-uns de 18, pas beaucoup de 19, puis quelques 20 ans à travers ça. C'est plate parce qu'on a des bonnes foules présentement au Centre Georges Vézina. Puis samedi, avec tout ce qu'on a pu faire comme promotion, on a eu juste 2600 personnes. Tu sais, les Wildcats, là, ça n'attire pas personne présentement cette année. Puis c'est plate là, qu'on les prenne à la fin de la saison où l'ambiance est bonne au Centre Georges Vézina. C'est le fun de jouer des matchs. Mais tu arrives avec une équipe aussi décevante sur papier. Ça n'attire pas personne. Puis on l'a vu samedi, là, la foule a été a été un peu plus difficile. On a eu juste 2600. On a eu des 3000 là, dans les ouais. derniers matchs. Puis, tu sais, mardi, contre les Cataractes de Shawinigan, il y avait plus de 3000 personnes. Mm. Un mardi soir à Chicoutimi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. OK. Parle-moi des remparts. Il y a Igor Larionov Junior. On a toujours en parlé cet été. Est-ce qu'il y a un nom aussi? Est-ce que c'est un gars qui il sera jamais aussi bon que son père? Je pense qu'on aurait entendu parler s'il aurait été bon. Mais c'est un gars qui a des chances d'atteindre la Ligue nationale? Ben, écoute, il y a des joueurs qui se développent sur le tard. On va espérer que ce sera le cas dans son cas parce que c'est pas. Oui, il est bon. Il a sa place dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais il y a tellement d'appelés et peu d'élus ouais. Qui passent au niveau supérieur dans la Ligue nationale. Puis j'ai pas vu beaucoup de bonhommes jouer, M. Larionov, mais quand même, son nom évoque une certaine histoire dans la Ligue nationale de hockey. Je pense pas que le fiston va réussir à suivre les traces de son père jusque dans la Ligue nationale de hockey, mais qui sait, en Europe, il y a des beaux dollars à faire aussi, des euros, le cas échéant, et des très bonnes conditions de travail pour des joueurs de hockey. Peut-être que c'est de ce côté-là qu'il devra regarder, mais je pense pas que dans la Ligue nationale, ça va être un succès comme le père l'a été. Voilà, c'était tout qu'un joueur. Là. Avec Makarov et c'était Kilo Krutov, je pense. Exact. Ils formaient tout qu'un trio. Parle-moi maintenant, enfin, cette semaine, à quoi que ça va ressembler la semaine des Sags? Bon, ben, on quitte sur la route jeudi, le Phoenix de Sherbrooke ouais. qui a battu hier les Cataractes de Shawinigan. Oui. Une quatrième défaite de suite pour les hommes de Claude Bouchard qui ne doivent pas être contents à l'aube des séries. Mais bon, jeudi, les Sacs vont se concentrer sur le Phoenix de Sherbrooke. Puis vendredi, un gros duel face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Les Sacs ont eu de la difficulté à... Ben, depuis quelques années, c'est difficile d'aller jouer des matchs là-bas du côté du Centre d'excellence Sport-Rousseau. C'est très serré comme jeu avec la technique Joël Bouchard où c'est très fermé ouais. comme match. Bon, il y a Pierre-Luc Dubois maintenant, Alex Barry-Boulay qu'il faut surveiller du coin de l'œil à chaque fois qu'ils sont sur la patinoire parce qu'ils peuvent faire des dommages assez importants du côté de l'attaque de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Mais bon, je m'attends à un bon duel là, entre les Sags et l'Armada vendredi avec deux clubs. Tu sais, les Sags vont être en pleine santé, là. Le seul qui doit revenir au jeu cette semaine, c'est Xavier Potvin, puis je pense qu'il va être de retour dans l'alignement des Sags pour la fin de semaine. Donc, tous les éléments sont disponibles pour Yannick Jean. Là, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de Joey Rattel de suspendu. Roubtsov n'est pas blessé. Les Sags se doivent de connaître au moins une très bonne performance contre l'Armada vendredi. Ça va être un très bon test, là. Probablement le dernier gros là, avant ouais. les séries éliminatoires, parce qu'après ça, il va rester les Remparts à Québec, le mercredi 15, et le Drakkar de Bécomo ici à la maison le 17 et à Bécomo le 18 pour terminer la saison régulière. Puis bon, avant ça, dimanche, là, le 12, c'est l'avant-dernier match au Centre Georges Vézina, la visite des Tigres de Victoriaville. Beaucoup de matchs contre nos rivaux de division. Contre les Tigres, ça va être important de l'emporter pour les éloigner encore de la course au classement puis consolider notre 6e ou notre 7e position chez les Saguenay de Chicoutimi. Pour ce qui est du Phoenix de Sherbrooke, il ne faudra pas les prendre à la légère. Ils ont battu les Cataractes de Shawinigan cette semaine. Puis bon, mais chaque équipe présentement dans la LGMQ, je dirais sauf les Wildcats de Moncton, ont beaucoup de chances de remporter des matchs le soir après soir. Ben, bravo. On se parle lundi prochain? Oui, avec plaisir. C'est la chronique des Saguenay avec notre ami Sébastien.